Join me on the R.I.G. R.I.G. Oh, la partie, c'est un contrôleur de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Ça y est, tout va bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 373 sur RIG, bien sûr. RIG, c'est 90.7, c'est www.rigfm.fr. L'album de la semaine, c'est l'album Tug of War, sorti en 1982 par Paul McCartney. On écoutera Tug of War, éponyme forcément, Take It Away, Somebody Who Cares, Here Today, forcément. What's That You're Doing, en collaboration avec Stevie Wonder. Et également, Ballroom Dancing. Mais il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Remember, sur l'album Plastic Ono Band, en 1970. Pour George Harrison, un titre long et qui a rapport avec la religion. Pour George Harrison, c'est pas étonnant. The Lord loves the one that loves the Lord. Donc, le Seigneur aime celui qui aime le Seigneur. Bon, ben voilà, tout est dit. C'est extrait de l'album Living in a Material World pour Ringo Starr en 73. Pour Ringo Starr, ce sera It Don't Come Easy, un single, en 1971. Et les Beatles, nous chanterons ensemble. J'aurais dû le savoir mieux même d'ailleurs. I Should Have Known Better sur l'album Hot Days Night, sorti cette si belle année de 1964. Voilà, pour le reste, je vous invite à nous retrouver sur le groupe Facebook, c'est celui qui marche le mieux. Le groupe Facebook La Saga des Fab Four. Vous tapez La Saga des Fab Four, F-A-B plus loin, F-O-U-R. Et vous tombez sur nous. Et ce sera la publication qui sera en haut avec l'album Tug of War. Sinon, vous pouvez aller faire un tour sur macablog.com. Macaclub. Oh là là, j'ai un doute. Et voilà, et aussi avec sur Twitter avec le hashtag SagaFabFort. Voilà, c'est prêt, c'est fait. C'est un petit peu de mal pour ce début d'émission, mais on va se rattraper. Voici l'album de 1982. Après 2 ans d'absence, je vous expliquerai après pourquoi. Enfin, un album de McCartney et un très très bon Tug of War sur RIG. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. Stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come. In a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. It's a tug of war. It's a tug of war. But I can't let go. If I do, you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war. Pushing, pulling, pulling, pushing. come, they may discover what the air we breathe and the life we lead are all about. But it won't be soon enough, soon enough for me. No, it won't be soon enough, soon enough for me. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outscore each other in a tug of war. Tug of War sort à une époque charnière pour Paul McCartney. Après près de 10 ans passés avec les Wings, il s'apprête en effet à se séparer de son acolyte Denny Lane. Un événement tragique et imprévu bouleverse également sa vie lorsqu'au matin du 9 décembre 1980, Paul McCartney apprend l'assassinat de son ancien partenaire John Lennon. Il espérait en effet, malgré les tensions entre eux, reformer tôt ou tard le tandem mythique de l'époque des Beatles. La nouvelle de la mort de son ami là-bas force en lui des changements favorisés par l'approche de la quarantaine et une lassitude partagée à l'égard de Wings. Il ne réapparaît plus en public pendant plusieurs mois après le drame. Il serait faux, cependant, de penser que Tug of War naît de ces changements. Les membres de Wings avaient en effet répété, de façon toutefois infructueuse, certaines de ses chansons en octobre 1980, lors de l'une de ses dernières sessions communes. Des compositions comme Take It Away ou Ebony and Ivory avaient été abordées, de même que certaines chansons appelées à figurer dans l'album suivant Pipes of Peace, en 1983. Un autre point décisif dans la préparation de l'album est un véritable retour aux sources pour Paul McCartney qui reprend contact avec l'ancien producteur des Beatles George Martin. Sa présence contribue à persuader le compositeur de se libérer du carcan de son groupe, son deuxième groupe, pour avoir recours à la participation de musiciens plus adaptés à ses ambitions. La dernière collaboration entre les deux hommes remonte à Live and Let Die, un des plus grands succès de McCartney, en 1973. Et tous deux se retrouvent en 1980, lorsque l'ancien Beatles travaille à la chanson We All Stand Together, qui doit être le thème du dessin animé Rupert Bear. Ça sortira beaucoup plus tard quand même, je crois 7 ans plus tard il me semble. Si le projet d'album produit par Martin n'est pas encore à l'ordre du jour, les choses changent finalement en février 1981. Pour la suite, eh bien ce sera tout à l'heure avec un autre extrait de l'album de la semaine. Maintenant, The Lord Loves the One That Loves the Lord. George Harrison sur RIG. Love. Oui, ça se termine comme ça. Nous sommes en 1970, le premier album solo réel de John Lennon. L'album s'appelle Plastic Ono Band. Et pour cette chanson Remember, le rythme enlevé de la partie de piano de Remember donc rappelle la contribution de Paul à la chanson de John, A Day in a Life, et ajoute un sentiment d'urgence à ce qui est, et par ailleurs, une chanson sans réel objet. Remember est constituée d'une série de flashbacks sans lien entre eux, associés à une exhortation à ne rien regretter. Alors même que Lennon tentait d'échapper au poids psychologique du passé, il était nostalgique à un point inhabituel. Strawberry Fields Forever, baptisé d'après un endroit où il jouait enfant, en est l'exemple le plus célèbre. Dans She Said, She Said, il regrette son enfance lorsque tout allait bien. Dans Help, il exprime le même parallèle entre la tranquillité du passé et l'angoisse du présent. Et In My Life évoque de nombreuses pages de sa mémoire. Il est intéressant de remarquer que les chansons centrées sur le passé sont celles qu'il considérait comme ses chansons, ses compositions les plus réussies. Le dernier vers de qui dit « Souvenez-vous du 5 novembre », qui semble être le point culminant de la chanson, n'est qu'une inspiration de dernière minute. C'est un vers de la comptine que chantent traditionnellement les enfants anglais ce jour-là, pour la nuit de Guy Fawkes, où des feux d'artifice et des feux de joie commémorent la conspiration des poudres, une tentative avortée de renverser le gouvernement au XVIIe siècle. John s'est probablement délecté de l'allusion, d'où l'explosion qui clôt le morceau, mais il s'agit ici plus de nostalgie que de ferveur révolutionnaire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. Avoir écouté Paul McCartney, Tug of War, John Lennon, Remember, George Harrison, The Lord that loves the one that loves the Lord, et Ringo Starr, It Don't Come Easy. Nous allons parler des Beatles. Donc, nous allons parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien, allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ceux que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Tout à l'heure, à février 1981, le 1er février 1981, Paul et Linda McCartney s'envolent pour Montserrat dans les Caraïbes. George Martin y a fait installer un studio d'enregistrement Dernier Cri dans ce climat particulièrement agréable. Dans la série de ses studios Air, Associated Independent Recording. McCartney, libéré des contraintes imposées par son groupe Wings, compte y mettre en pratique une nouvelle méthode de travail en choisissant les musiciens en fonction de la chanson qu'il compte travailler. C'est ainsi que les musiciens finalement réunis sur l'album, appartenant souvent à la lead du moment, se succèdent dans les studios. Participent pêle-mêle à ces sessions les batteurs Dave Mattax et Steve Gadd, le bassiste Stanley Clark, l'ancien compère Ringo Starr et une des idoles des Beatles, Carl Perkins. Stevie Wonder est également recruté pour deux chansons, le succès Ebony and Ivory et What's That You're Doing, que personnellement j'adore. À l'écriture duquel il participe, Danny Lane enregistre également une partie des guitares de l'album pour sa dernière prestation avec McCartney. Parmi les chansons travaillées à Montserrat, on compte les duos avec Stevie Wonder, Ebony and Ivory et What's That You're Doing, Get It avec Carl Perkins, Take It Away, Somebody Who Cares, Dress Me Up as a Rubber, qui finissent sur l'album final. D'autres seront conservés pour l'opus suivant, Pipes of Peace. Les McCartney rentrent en Angleterre en mars 81 et continuent leur travail dans les studios Air d'Oxford Street à Londres, toujours aux côtés de George Martin. Fin avril, Danny Lane annonce cependant son intention de reprendre les tournées seul et quitte McCartney. Celui-ci le remplace rapidement par Eric Stewart, avec qui il travaille jusqu'en 1987, qui se charge des chœurs sur la plupart des chansons de l'album. Les chansons restantes de l'album sont mises en boîte dans les mois qui suivent. Voici Take It Away sur RIG. We'll be right back. take it away after hours late in the bar by a darkened corner seat. Faded flowers wait in the jar. RIG 90.7, la radio des Beatles. Let's go. A lie, 'cause I know where you've been. I saw you walk in your door. I nearly died. if I were you. That's a lie. 'Cause I know where you've been. I saw you walking your door. I nearly died. 'Cause you walked hand in hand with another man in my place. ...1965 pour The Night Before et sur l'album Help. Et à l'instant, No Reply en 1964 sur l'album Beatles For Sale. No Reply est une chanson typique de John qui parle de trahison et de jalousie. Une fille qu'il abandonne pour un autre. Il expliqua un jour qu'elle était fondée non pas sur une expérience personnelle mais sur Silhouette, un tube de 1957 enregistré par les Rays sur le label indépendant Cameo installé à Philadelphie. Composé par Bob Crew et Frank Slay, qui signèrent ensuite les succès de Freddie Cannon, Silhouette traite de la classique histoire de trahison sous un angle nouveau. Le garçon ne comprend la situation que lorsqu'il voit deux silhouettes se dessiner sur les rideaux de la maison de sa bien-aimée. Dans la version de John, le garçon commence à se méfier lorsqu'il sonne à la porte et que son ami ne lui répond pas. Lorsqu'il lui téléphone, ses parents lui disent qu'elle n'est pas là. Tout comme dans Silhouette, il revient alors vers sa maison et caché dans l'ombre, il la voit entrer avec un autre. Depuis la sortie de leur premier 45 tours, les droits d'édition des chansons des Beatles étaient géré par la Northern Song, une société montée par John Paul, Brian Epstein et Dick James, un ami de George Martin qui avait été chanteur et compositeur avant de se lancer dans l'édition musicale. Lorsqu'il entendit No Reply, il dit à John, c'est la première chanson complète que tu écris, la première qui est une fin, c'est une véritable histoire. Nous sommes maintenant en 2017, Give More Love, Ringo Starr sur RG. Sometimes this world can be a hard place. We wonder where we go from here. So many hurting fans lost everything they had. It's hard to know.

Franchement, j'aime bien. Je trouve ça très très bien. Ringo Starr vieillit bien. Il a encore une voix tout à fait potable. Bon, il n'a pas poussé sa voix comme Paul a pu le faire au cours de toutes ces années de concert, mais c'est bien quand même. Voilà ce que je voulais dire. Un commentaire tout à fait approprié et normal, je trouve. Voilà. La chanson suivante. Eh bien, nous revenons à l'album de la semaine. L'album, c'est Tug of War. Tug of War est le quatrième album solo de Paul McCartney paru sous le nom de Paul McCartney, bien entendu. Il est paru le 26 avril 1982. Il est enregistré dans les Antilles et en Grande-Bretagne entre février 81 et janvier 82, consécutivement à l'assassinat de John Lennon qui avait plongé le musicien dans un profond désarroi. L'album contient une chanson en hommage à son ami, Here Today. Cet opus marque un changement de direction dans la carrière solo de McCartney. À plusieurs titres, il voit en effet ici la fin de sa collaboration avec Donny Lane au profit d'Eric Stewart. Il s'agit également de la première fois depuis 1972 que l'ancien Beatles renoue avec le producteur George Martin. Enfin, il frappe un grand coup en réunissant un véritable super groupe, bien que McCartney soit peu favorable à ce concept, avec entre autres l'intervention de Ringo Starr, mais aussi de Carl Perkins, Stevie Wonder, entre autres, et cette dernière association donne naissance, entre autres, à Ebony and Ivory, qui connaît un grand succès. Tug of War connaît à sa sortie un succès fort, tant critique que commercial. Certains critiques, habituellement peu amènes envers les productions post-Beatles du musicien, voient dans cet album le temps fort d'une transition annoncée deux ans plus tôt avec McCartney 2. Un des plus grands succès de son auteur, l'album atteint la première place des classements en Grande-Bretagne comme aux États-Unis et dans de nombreux pays. Il est aussi nommé pour 5 Grammy Awards. On écoute une autre chanson de cet album-là, Somebody Who Cares. J'adore cette chanson. Somebody has taken the wheels off your car when you had somewhere to go. Well, it's annoying not going to get very far, I know. But somebody cares. There's always someone somewhere you should know by now. Always somebody. Happening day in, day out. Well, you know by now. Always somebody who cares. And if you don't know it, how will it find you? How will we know your whereabouts? But I know. Somebody has taken the wheels off your car when you had somewhere to go. Well, it's frustrating not going to get very far, I know. But somebody cares. There's always someone somewhere you should know by now. If you don't formation que vous écoutez actuellement s'appelle la Saga des Fab Four. Elle a été créée en 1984, donc 34 ans déjà d'émission. Et ça fait à peu près 12 ans, je crois, que nous sommes sur RIG 90.7, qui est donc exclusivement en France, je pense, probablement, la radio qui diffuse l'émission hebdomadaire sur les Beatles, John, Paul, Ringo et George, chaque semaine, le mercredi, entre 20h et 22h. J'espère que ça vous plaît. Montrez-le en allant sur Facebook, par exemple, dans le groupe La Saga des Fab Four. Vous pouvez nous y retrouver. Et je vous propose d'écouter une chanson qu'on n'a pas écoutée depuis un petit moment, j'ai réalisé. Et pourtant, quel succès, quelle belle chanson. Nous sommes en 1970 sur l'album All Things Must Pass. Et voici le titre phare, le grand, grand titre de George Harrison, Isn't It a Pity, sur RIG. Break. propose de revenir en arrière du temps des Beatles. On va revenir en 1965 et l'album Rubber Soul et ensuite l'album Revolver. Nous allons écouter successivement Norwegian Wood, dans laquelle George Harrison pour la première fois amène un sitar dans la musique pop. C'est une originalité. Et ensuite, nous allons étudier avec frénésie la chanson Tomorrow Never Knows, dans laquelle, à mon avis, George Martin a dû se faire des cheveux pour arriver à mettre en musique, en orchestration, ce que John Lennon lui demandait. Il voulait avoir une voix comme si il chantait depuis le haut des montagnes, etc. Mais ça donne quelque chose de vraiment très très bien. Donc, deux Beatles à suivre sur RG dans la saga des Fab Four. Animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. mais qu'est-ce que c'est bien. Il y a certainement que la batterie et la basse de McCartney, la batterie de Ringo et la basse de McCartney qui doivent être à l'endroit. Le reste, c'est des boucles, c'est vraiment, vraiment très, très bien fait. J'aime beaucoup aussi dans cette chanson la phrase « But listen to the color of your dream ». Écoute la couleur de ton rêve. Compliqué, au perché le John. Mais bon, c'était en 1966 et c'est absolument exceptionnel. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Tug of War, sorti en 1982. Et McCartney, lorsqu'il a appris la mort de John Lennon, avait prévu de faire une séance de travail pour enregistrer des disques et il y est allé quand même. Parce que McCartney, lorsqu'il est pris de court, lorsqu'il a une grosse peine, il se réfugie dans le travail. Eh bien, sachez quelque part, je peux le comprendre. Je vais vous donner une toute petite anecdote, pas drôle d'ailleurs, malheureusement. Lorsque mon père est décédé en 2002, le lendemain, j'avais une émission de la saga à faire. Au départ, évidemment, je pensais, ça me donne des frissons à repenser à ça, je pensais ne pas faire l'émission et puis je me suis dit, je vais la faire quand même parce que ça va me faire penser à autre chose. Et j'avais programmé Here Today, qui est une chanson d'amour d'un homme à un autre homme. Et au lieu de penser à John Lennon, moi j'ai pensé à mon père. J'ai mis 4 chansons avant de pouvoir arrêter de pleurer et pouvoir reparler. Maintenant, je tiens un peu mieux le coup, mais le fait de vous rappeler ça, ça me fait remuer un petit peu. Voici cette superbe chanson d'amour, Here Today, dans lequel ben, McCartney a tout dit finalement. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, ooh, here today. Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, the time we met. What about the time? Well, I suppose met? That you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? The night? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there. Maintenant est venu le temps de passer la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George en tant que Beatles ou en tant que Beatles séparés, qu'importe, du moment que eux l'ont chantée, même si eux faisaient déjà la reprise de quelqu'un, genre par exemple Little Richard. Si quelqu'un chante cette chanson-là, c'est la cover. Et ça peut être vous également. Si vous m'envoyez la chanson, si elle est suffisamment bien faite pour passer à la radio, il n'y a aucun problème. Vous serez la cover d'une des chansons des Beatles. J'ai pensé à Tom Gard et j'ai pensé à Jean-Paul Lamarck quand j'ai programmé la cover de cette semaine. En fait, c'est George Harrison qui, pour les 30 ans du concert qui fêtait les 30 ans de carrière de Bob Dylan, a repris Absolutely Sweet Mary. Mais on va écouter d'abord l'original, extrait de Blonde on Blonde. Donc, Bob Dylan qui chante Absolutely Sweet Mary. Et juste après, ce sera la cover également, donc deux covers quelque part, de George Harrison. Bob Dylan dans la saga des Fab Four. You know I just can't jump it.

Night Sweet Mary sur RIG. C'était donc Bob Dylan, non, c'était George Harrison en 1993 à l'occasion des 30 ans du concert pour les 30 ans de carrière à l'époque de Monsieur Bob Dylan. La semaine dernière, nous avions l'album New comme album de la semaine et franchement, j'étais pas satisfait parce qu'il manquait des chansons que j'avais envie de vous proposer. Je vous propose donc cette semaine une chanson que j'aurais dû passer la semaine dernière, mais faute de temps, pas pu. Voici Early Day sur l'album New sur RIG. They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs, we would walk the city road, seeking someone who would listen to the music that we were writing down at home. But they can't take it from me if they try. Hearing noises we were destined to remember, will the thrill to never stop. Come to you when you look for them, and your inspiration, long may it last, may it come to you time and time again. Seems to have their own opinions, who did this and who did that. But as for me, I don't see how they can remember when they weren't where it was at. Chansons comme ça, on en redemande, Monsieur Paul McCartney. Quand vous voulez le nouvel album, nous, tous les auditeurs de la saga des Fab Four, on est prêts, on attend, on achètera, c'est promis, on achètera, je dis bien. Je vous propose de retrouver les Beatles en 1967 et ce morceau de génie, I Am The Walrus, sur RIG. « your face grow long. I am the Eggman. They are the Eggmen. I am the walrus. Mr. City Policeman, sitting pretty little policeman in a row. See how they fly like Lucy in the sky. See how they run. Your knickers down. I am the Eggman. They are the Eggmen. I am the walrus. Coo-coo-coo-choo. Vous vous rendez compte, fin 1962, Love, Love Me Do, You Know I Love You. Et là, 1967, c'est dingue, c'est seulement 5 ans plus tard. Chanson co-composée avec Stevie Wonder, dans le style de Stevie Wonder, mais qui va très très bien. On monte le son à fond, à fond, à fond, ça va danser. C'est What's That You're Doing sur l'album Tug of War de Paul McCartney. Good night. What's that you do? Il a dit « Je vais tout dégager ». Dans quelques minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Et là, « Clean Up Time », John Lennon sur la régie. «

fois sur RG, d'abord avec Clean Up Time, sorti sur Double Fantasy en 1980, puis sur l'album posthume de 1984, Milk and Honey. À l'instant, il y avait I'm Stepping Out. On n'arrête plus la musique parce que Eric n'est pas loin. Et voici le dernier extrait de l'album de la semaine, Ballroom Dancing. On remet le son à fond. Vous êtes sur RG, c'est la saga des Fab Four. Voici une reprise de George Harrison, reprise de Cole Porter, True Love sur RG. Love. s'achève la saga des Fab Four numéro 373. Lui, alors que notre président est allé dîner avec Trump, lui, il revenait d'un dîner avec Obama. Parce que comme lui, comme Obama, Eric a reçu cette année le prix Nobel pour son émission Eric Johnny de A à Z. Donc, je vous laisse dans les bras d'un prix Nobel, d'un ami, d'un gars que j'adore et que je respecte. Eric, dans quelques instants. Salut, bisous aux filles, prenez une langue, garçon. À bientôt, ciao. Merci Thierry pour ton émission La Saga Alpha Four. Et Thierry vous a caché quelque chose. Thierry a été cette semaine, lundi, a été anobli par la reine d'Angleterre. Thierry est devenu Sir Thierry Gallet, en hommage qui rend toutes les semaines au 4 de Liverpool aux Beatles. On peut l'applaudir très fort. On l'applaudit très fort. Et je te remercie car tu as rendu l'antenne à l'heure. Et il est 22h passées de 1 minute. Il est temps de retrouver l'émission Johnny de A à Z.